Je suis Christophe Yokankoumou. Je suis Congolais de la République démocratique du Congo. J'habite la province de l'Équateur, précisément dans le territoire de Bikoro, où j'ai eu le goût de défendre toujours les opprimés, ceux qui n'ont pas cette chance de hausser leur voix. Et je crois bien que ça fait longtemps, depuis 2010, j'avais commencé à avoir ce don, cette envie par un défenseur, icône de notre pays, qui est mort à cause de défendre, de dénoncer notre frère Floribert Chebeya, qui m'a donné ce sens et ce goût. Et il y avait un moment que j'avais laissé à faire ce boulot. Et depuis 2016, j'ai commencé à défendre les droits des enfants, à faire des plaidoyers, les articles, accompagner les enfants reporters à Bikoro, jusqu'à ce que je suis arrivé à défendre même les adultes, même ceux qui n'ont pas surtout le peuple autochtone, les pygmées chez nous. Et c'est comme ça que je suis devenu un défenseur des droits de l'homme, formé par la MONUSCO, le Bureau conjoint des Nations Unies, ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, mon histoire pourra dire, je suis en exil à cause de mon travail, à cause de mon boulot. Je suis victime de ce travail en dénonçant la mort d'une étudiante tuée par les gardes du corps du gouverneur de la province de l'Équateur, et voilà, en dénonçant aussi la disparition ou le détournement d'une Jeep ambulance de la zone de santé de Bikoro. Et moi, j'ai fait la prison et aujourd'hui je fuis, je suis en exil. Vraiment, j'aime mon travail. C'est grâce à Floribert Chebeya que je suis devenu aussi défenseur des opprimés, défenseur des sans-voix. Et voilà la raison que moi je suis aujourd'hui défenseur des droits de l'homme, surtout pour les enfants. Là, vous me trouverez dans votre chemin. Là, je suis disponible 24 sur 24 heures. Et aussi pour le peuple autochtone que moi je défends toujours. Voilà. Voilà un peu. Je suis, oui, ça peut être dispo, pas en anonyme.